Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 11 février 2022. Voici les grands titres de cette édition. Le 11 février de chaque année est une journée mondiale dédiée aux malades. Au Burundi, l'on constate encore que certains droits des malades ne sont pas respectés. Les signatures ce vendredi d'un accord d'assistance à hauteur de 400 millions de dollars américains entre le Burundi et les États-Unis. Cet argent va financer pour une période de 5 ans les domaines de la santé, de l'éducation et de la lutte contre le changement climatique. Et notre reporter nous conduira au quartier Gikizi de la zone Kameng et ce sera pour nous parler de l'éclairage public sur toutes les avenues de ce quartier, une initiative des natifs de la localité. Et c'est après la zone Nyakawiga et la chronique environnement, les zones humides, on parlera des zones humides présentes au Burundi et à quoi on les reconnaît. Voilà pour le sommaire. Rebonjour. Signature ce vendredi d'un accord d'assistance à hauteur de 400 millions de dollars américains entre le Burundi et les États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement précise que cet argent va financer pour une période de 5 ans les domaines de la santé, de l'éducation et de la lutte contre le changement climatique. Ambassadeur Albert Shingiro rassure que l'assistance consentie sera utilisée pour atteindre les objectifs convenus. On l'écoute, ses propos ont été recueillis par Moïse Bissago. Je voudrais me féliciter de la signature de cet accord qui est une réaffirmation de la volonté commune de nos deux pays de renforcer, d'affermir les liens d'amitié et de coopération qui existent depuis longtemps entre nos deux pays. Je saisis d'ailleurs cette bonne occasion pour saluer, du fond de mon cœur, la récente décision du président américain John Biden de lever l'état d'urgence concernant la situation au Burundi ainsi que la fin des sanctions ciblées contre certaines hautes personnalités burundaises, décision qui est aussi à l'origine de cet heureux aboutissement, la signature du présent accord d'assistance entre nos deux beaux pays. De manière plus concrète, il y a trois principaux domaines clés à financer. Le développement du capital humain, qui s'articule autour de trois principales actions, à savoir le renforcement de la qualité des services et des systèmes de santé, l'assistance humanitaire aux groupes vulnérables, le soutien au système éducatif, la capitalisation de la paix avec les deux principaux thèmes, que sont le renforcement de la bonne gouvernance, la participation de la société civile et du secteur privé, et enfin, l'amélioration de l'environnement pour le développement durable, articulé autour de deux principaux domaines, à savoir la croissance de la productivité agricole et le soutien à l'environnement et à l'adaptation au changement climatique. La contribution totale pour ce programme est de 400 millions de dollars américains pour la période 2022-2026, pour dire pour une période de 5 ans. Je voudrais saisir cette occasion pour renouveler, au nom du gouvernement du Burundi, nos vifs remerciements à l'administration américaine pour cette importante contribution. Nous lui en sommes très reconnaissants. Je puis vous assurer, Madame l'Ambassadeur, Monsieur le Directeur, que le ministère dont j'ai la charge, de même que les ministères techniques concernés, apporteront leur meilleure collaboration pour que le financement consenti puisse effectivement atteindre les objectifs convenus, mais surtout atteindre les populations cibles. Le ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération au développement, Albert Shingiro. Les tambourinaires du sanctuaire de Gishora en province de Gitega se sont engagés à préserver l'héritage des ancêtres de battre le tambour et sa signification. Depuis 2014, en effet, le tambour est inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. À Gitega, des habitants, de même que les tambourinaires, affirment que beaucoup de gens s'intéressent davantage au tambour et ils espèrent en profiter concrètement dans ce proche avenir. Moïse Misako. Le responsable des tambourinaires du sanctuaire d'Ogishora en commune Giheta affirme leur engagement pour pérenniser la culture et la danse emblématique du tambour. Le tambour burundais prend son origine dans la province Gitega depuis Belurette, une précision de Scan Shimirimana. Nous, les tambourinés d'Ogishora, battons le tambour pour faire perpétuer la tradition. À cet effet, nous tâchons de faire valoriser le tambour qui est notre passion. Nous ne pourrons donc jamais laisser tomber la tradition. Il est strictement interdit à la femme de battre le tambour. Son responsable des tambourinaires d'Ogishora explique que cette interdiction est liée à une certaine représentation du tambour dans la la culture ancestrale. Il est strictement interdit que les femmes battent le tambour et les dansent par contre au rythme du tambour, car les parties du tambour sont comparables à celles de la femme. Les habitants de la province Gitega trouvent que les gens s'intéressent davantage à cette danse. Ces tambours sont battus même au niveau mondial, renchérit ses habitants. Les tambours sont valorisés aujourd'hui. Ils reçoivent même des invitations à l'étranger. Assister à un spectacle où ils battent le tambour est merveilleux. Tout le monde les trouve passionnants. Le tambour burundais a été inscrit depuis novembre 2014 sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Oscar Nshimirimana, responsable du sanctuaire de Gishora, affirme que les tambourinaires n'ont pas encore pu réellement jouir de cet avantage, mais espèrent que d'ici peu, ils vont en avoir vu les préoccupations des autorités en ce qui concerne la culture. Il n'y a eu aucun avantage au changement dû au fait que le tambour burundais a eu la première place au niveau mondial. Malgré cela, sur le plan culturel, nous espérons un changement dans les jours à venir. Le sanctuaire de Gishora est pris comme épicentre du tambour burundais et de la fabrication des tambours. La plupart des tambours sont fabriqués à Gishora par les tambourinaires. Ceux qui proviennent de l'arbre dit Umuvugangoma sonnent bien plus que ceux fabriqués à partir d'un autre arbre appelé Umurama. Oscar Nshimirimana déplore la disparition progressive du Umuvugangoma. Le 28 janvier de l'année en cours, 1000 arbres dénommés Umuvugangoma ont été plantés dans le sanctuaire de Gishora et dans les environs dans la commune Giheta. Lors du lancement de la campagne de plantation de ce type d'arbre, le responsable des tambourinaires a salué ce geste vu l'état des lieux de cet arbre. L'administrateur de la commune Giheta et le responsable des forêts à l'Office burundais pour la protection de l'environnement OBPE ont précisé que cette espèce d'arbre sera aussi plantée dans toutes les écoles de cette commune ainsi que dans tout le pays. Isanganiro, vous ratez l'essentiel. La suite de ce journal avec la santé, comme je le disais. Le 11 février de chaque année, c'est une journée mondiale dédiée aux malades. Au Burundi, l'on constate encore que certains droits des malades ne sont pas respectés, comme l'accès facile aux médicaments prescrits par le médecin. Sylvain Habanabakize, chargé de la communication au sein du cadre d'expression des malades du Burundi, Semabou, demande que ces droits soient garantis et qu'un centre de traitement du cancer soit inauguré comme promis aux Burundais. Suivez-le. Cette journée dédiée aux malades arrive ici au Burundi au moment où notre pays n'a pas encore mis à la vue de tout le monde les droits et les devoirs des patients et des prestataires des services de soins de santé. On avait élaboré et validé un recueil descriptif des droits et devoirs des patients et des prestataires des services de soins de santé, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore observé à sa mise en application. Cela va conduire à des manquements que nous pouvons soulever. Ici, on peut dire un accueil qui n'est pas courtois parce que les prestataires des services de soins de santé ne sont pas sensibilisés sur leurs devoirs envers les patients. Aussi, cette journée arrive au moment où ce n'est pas à tous les Burundais qui n'ont pas un accès facile au point de vue économique de s'acheter des médicaments prescrits par les médecins. Cette journée arrive au moment où le gouvernement avait annoncé un centre qui sera chargé de traiter une maladie qui fait rage dans notre pays, le cancer. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu l'ouverture ou bien l'inauguration de ce centre. Au sein de notre cadre, nous demandons au gouvernement de continuer à évertuer, à conjuguer des efforts pour que les médicaments qui ne sont pas visibles à l'intérieur comme à l'extérieur des hôpitaux peuvent être facilement trouvés. Mais aussi, nous demandons au gouvernement de mener une sensibilisation aux prestataires des services de soins de santé et de savoir quel est le devoir envers le patient. Ici, nous visons un accueil courtois pour en arrache-pied comment inaugurer le centre qu'on avait promis au Burundi qui est chargé de traiter le cancer. De mettre en application le code de santé, mais aussi le recueil descriptif des droits et les devoirs des patients, des prestataires, élaborés et validés. C'était Sylvain Habanabakize, chargé de la communication au sein du cadre d'expression des maladies du Burundi, CEMABU. Et dans le domaine des maladies mentales, l'on parle d'insuffisance d'un centre de prise en charge des troubles mentaux. Docteur Jean Dodieu Abdiarimana, directeur du programme de lutte contre les maladies chroniques et non transmissibles, précise qu'il y a 4 centres, dont en privé. Il demande aux décideurs de multiplier ces centres pour l'intérêt des malades et sensibiliser la population sur ces maladies pour lutter contre les croyances obscurantistes. On l'écoute. Les défis sont très nombreux. Ce sont les infrastructures où partout dans le pays, on enregistre uniquement 4 centres et quelques donc, centres de prise en charge des maladies, des troubles mentaux. Et là, je citerai donc le centre neuropsychiatrique de Kamenge, le centre des soins mentaux de Gitega, le centre neuropsychiatrique de Mubuga à Ngozi et un autre dans privé qui se trouve à Chibitoki. Et quelques donc, services de prise en charge qui sont intégrés dans des hôpitaux au niveau de l'hôpital Gihofi, au niveau de Muyinga, au niveau de l'hôpital Makamba. Vous comprendrez que avec ces centres et ces services, il est difficile que ces centres puissent contenir tous les malades mentaux que nous enregistrons et qui continuent à augmenter au jour le jour. Qu'est-ce que vous proposez? Il faut implanter d'autres centres partout sur le territoire national pour alléger la souffrance des chercheurs, des malades qui viennent chercher les soins. Imaginez quelqu'un qui viendrait de Chindajuru pour se faire soigner à Gitega. C'est vraiment très difficile pour lui, pour elle, pour les déplacements, le logement. Une autre chose, c'est d'investir, mettre des fonds dans cette rubrique de maladies mentales. Comme ça, non seulement on forme la population, mais aussi on sensibilise et aussi on essaie de faire un cadrage de tous les intervenants. Mais si vous n'avez pas de moyens, c'est difficile. Docteur Jean Dodieu Avzalimana, directeur du programme de lutte contre les maladies chroniques et non transmissibles. Les radios émettant sur le territoire national brouillées par les radios des pays voisins, surtout dans les provinces du nord du pays, ainsi que le manque de moyens de fonctionnement. Voilà les grands défis tels que relevés auxquels font face les médias burundais. Le président de l'Association burundaise des radiodiffuseurs ABR en sigle l'a dit ce vendredi lors des cérémonies commémoratives de la Journée mondiale de la radio. La ministre en charge de la communication, qui se réjouit du travail accompli par les radios, répond que le gouvernement est à pied d'œuvre pour trouver des solutions à ces défis. Évariste Nzikobanyanga. Après la descente conjointe des responsables des médias à l'intérieur du pays, les auditeurs des provinces du Nord ont indiqué aux directeurs des médias que les radios opérant sur le territoire national sont brouillées. Seules les radios tanzaniennes et rwandaises sont captées dans ces provinces. Onedi Meharubunu dit avoir informé ceux qui sont concernés par la question. Effectivement, quand nous avons approché les auditeurs, on nous a dit que des fois, ils essaient de capter les radios locales et les radios nationales. Mais en un laps de temps, il y a des interférences des radios des pays voisins. Donc c'est un problème. Alors la question est connue même au niveau de la RCT. La RCT a déjà demandé aux responsables des médias ou des organisations partenaires de renforcer la puissance des émetteurs, de passer de 500 watts à 1000 jusqu'à 2000 watts pour effectivement rehausser la puissance des émetteurs. À ce défi qui hante les médias burundais s'ajoute celui de manque criant de financement, selon toujours le président de l'ABR. La ministre en charge de la communication, quant à elle, apprécie le travail de radio, même s'ils font face à plusieurs défis. Cependant, la ministre Leocadi Ndachaïsaba indique que le gouvernement compte, dans les jours à venir, trouver solution à ces problèmes. Certes, ce fonds dont l'alimentation ne vient que du gouvernement seulement ne pourrait être en mesure de répondre à tous les problèmes de moyens que connaissent les médias. C'est pourquoi nous lançons encore un appel vibrant à tous les partenaires au développement à soutenir le gouvernement du Burundi pour financer ce fonds. L'appel vient au moment où les pays de l'Union européenne viennent de lever les sanctions économiques prises contre le Burundi. Et nous ne doutons pas, mesdames, messieurs les ambassadeurs, que vos appuis directs dans le secteur des médias vont reprendre et nous comptons sur vous. Le Burundi a célébré cette journée mondiale de la radio ce 11 février, au moment où elle est célébrée le 13 février de chaque année. Merci Évariste Nziko-Wanyanga. Les habitants du quartier Gikizi de la zone Kamenge demandent à l'administration d'infliger des sanctions sévères à celui qui sera attrapé en train d'endommager l'éclairage mis sur toutes les avenues de ce quartier. Et c'est au moment où on vient d'alimenter en électricité ce quartier grâce à l'initiative de l'administration de base et les habitants de ce quartier. Reportage Aaron Douayesu. Nous sommes au quartier Gikizi, zone Kamenge de la commune Nahangwa, se trouvant entre le quartier Heha et le quartier Teza. Il est 19h, toutes les avenues du quartier, de la 6e à la 10e avenue, sont éclairées. C'est le projet Murikiranange, initié par les natifs et les habitants du quartier. Ces habitants se réjouissent de cet éclairage car il contribuera dans le voisinage ainsi qu'aux praticiens de petits métiers. Lorsqu'on séchait les habits, ils pouvaient être volés, mais pour le moment, on les sèche en toute sécurité grâce à l'éclairage. Lorsque les enfants sont en train de jouer dans un endroit éclairé, ils peuvent s'apercevoir du malfaiteur et puis s'enfuir. L'éclairage m'assiste dans mon commerce. J'utilisais la torche du téléphone ou même pas. Je manquais les clients suite à l'obscurité quelquefois et j'arrivais pas à vendre tous mes produits. Maintenant, même si on n'a pas d'okura à la maison, ça n'empêche qu'on peut ramasser quelque chose grâce à cet éclairage. Une autre chose, les voleurs se cachaient derrière l'obscurité en grimpant sur les enclos sans se rendre compte. Mais pour le moment, on peut voir d'où ils s'échappent grâce à cette luminosité. Le chef du quartier, Nestor Nitunga, invite les habitants de veiller à la pérennisation du projet. Qu'ils s'approprient ce projet. Parce qu'avec cet éclairage, la sécurité est d'une manière garantie. Et puis, en tant que natif du quartier et habitant, de donner la contribution. Chaque personne doit protéger là où on a mis l'ampoule pour qu'aucun malfaiteur ne peut la détruire alors qu'on fait le pas en avant. Ces habitants interpellent l'administration ainsi qu'au voisinage de punir sévèrement celui ou celle qui tentera d'abîmer ce système d'éclairage. Que personne n'endommage les ampoules, soit par une pierre. Que celui qui sera attrapé en train d'endommager ou d'abîmer ces installations soit attrapé et puni. On doit contribuer pour l'entretenir afin de garder notre quartier éclairé. Ce projet Murikiranange a pris un budget de plus de 5 millions. Chaque ménage contribuera 600 francs par mois pour le paiement de la facture de la régie des eaux. C'était un reportage dans Rondo Ayesso. Vous saurez que cette initiative des natifs du quartier Gikizi de la zone Kamengi de s'offrir un éclairage public est la deuxième après celle des natifs de Nyakabiga qui ont également fourni depuis quelques mois de l'éclairage public sur leurs propres moyens et cela pour le grand plaisir de tous les habitants de ces localités respectives. Il est 13h13 à Bujumbura et sur Isanganiro. Place maintenant à la chronique du jour. Radio Isanganiro, chronique environnement. Les zones humides sont connues par la présence de l'eau en permanence. Ces zones sont caractérisées également par des plantes aquatiques, comme l'explique Félicien Niyoboka, directeur général de l'environnement et des ressources en eau et assainissement au ministère en charge de l'environnement. Il précise qu'au Burundi, ces zones existent, mais qu'elles sont envahies par l'action anthropique. Lydie Gahimbare. Le Burundi, comme les autres pays, regorge des zones humides. Le directeur général de l'environnement et ressources en eau et assainissement au ministère ayant l'environnement dans ses attributions explique les caractéristiques des zones humides. Pour les connaître, lorsque tu es même à pied en marche, que tu marches sur des zones humides, tu rencontres souvent de l'eau. Et pour ces zones, la plupart n'atterrissent même pas pendant la saison sèche. Et on y observe des plantes, bien sûr, qui sont adaptées à l'eau. Et ces plantes, d'ailleurs, constituent une couverture et une protection de cette eau. Ces plantes s'alimentent dans ces endroits-là. Ça limite même la vitesse d'évaporation de l'eau lorsqu'il y a beaucoup de soleil. Félicien Niyoboka précise que les zones humides présentent des avantages comme l'alimentation de la nappe phréatique. D'abord, ces zones humides permettent à la population d'avoir de l'eau en quantité et en qualité suffisante. Et lorsque ces zones humides sont nombreuses, les nappes phréatiques sont beaucoup alimentées, souvent chargées. On observe même des sources d'eau qui ne tarissent pas mais pendant la saison sèche. C'est-à-dire que on aura, même au niveau des eaux de surface, on en aura toujours en quantité suffisante et en bonne qualité, bien sûr, si ces zones humides ont été bien protégés. Pendant le travail de l'homme, menace souvent les zones humides malgré leurs avantages, ajoute-t-il. Les zones humides au Burundi sont protégées par la loi. Cette loi est en partie connue, si je puisse le dire ainsi. Une certaine population est informée de la loi et met en œuvre cette loi, mais d'autres ignorent la loi. Je dirais même qu'il y en a qui ne sont même pas beaucoup informés sur cette loi relative au code de l'eau. Pour la plupart, ils envahissent de telles zones et en envahissant les zones, ils ignorent les conséquences néfastes qui peuvent en sortir. Dans la prochaine chronique, le directeur général de l'environnement et ressources en eau expliquera les impacts négatifs sur l'environnement lorsque les zones humides ne sont pas bien protégées. Merci Lydie Gahimbal et le rendez-vous est pris. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Innocent Uwonimana. Au micro Jean Bosco, Ndouimana, passez un très bon après-midi.